Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, l'émission 446, Perrand Rouer à Dowigan. De quel mot tu vas nous parler aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, donc, c'est un mot qui est à la fois un nom masculin et un adjectif. Ça arrive assez souvent en breton. Et c'est Boaz. B-O-A-S ou B-O-A-Z selon les orthographes, qui se prononce dans certains endroits, Bouez aussi, et qui désigne l'habitude. Alors c'est un mot celtique, hein, d'origine celtique, qu'on trouve aussi en gallois, en cornique et en gaélique, et on connaît l'équivalent gaulois qui était Bessu, hein, qu'on a retrouvé dans un document gravé. Donc voilà, un mot celtique qui est assez habituel. C'est le cas de le dire. Donc, il désigne l'habitude. Par exemple, quand on dit « Evelkis accustum », on peut dire également « Evelboas », comme d'habitude. Donc, c'est un mot qui a un pluriel régulier, « Boaju ».« Boaziu », alors, nous, on a tendance à prononcer « J », quoi, hein, « Boaju ». Donc, « des habitudes ». Alors, il y a pas mal de dérivés... de mots rallongés, parce que bois c'est un peu court, alors des fois on rallonge un peu. Bois amande par exemple, ou bois jamande, hein, donc qui est un mot masculin aussi, et qui désigne l'habitude, hein, l'usage. Hein. Alors il a aussi un pluriel, bois à manche ou, hein, donc les habitudes, par exemple, bois à manche ou orvro, les habitudes du pays. Voilà. Alors les habitudes, la tradition. Alors, il y a un verbe, évidemment, hein, dérivé de boise, comme d'habitude. Hein, donc, boisant, qu'on prononce, nous, boisant, hein, qui est habitué ou s'habituer. Hein. Et il y a une forme, alors, le participe passé de boisant, c'est boiset, hein, donc habitué. Et on fait parfois un verbe à partir de ce participe passé, qui est boisetat, donc qui est s'accoutumer, on pourrait dire, hein. Voilà. Alors, par exemple, alors dans des expressions, on va entendre, par exemple, « Boage dom dober odis », hein. Nous avons l'habitude de faire comme ça. Alors, encore quelques dérivés. Par exemple, « Henvoise », la tradition. « Hen », c'est un préfixe qui veut dire « ancien », hein, qu'on trouve dans « Hengun » aussi. Hein, voilà, « Henvoise », la tradition. Par exemple, on va dire « Nenvoise de the Namzor Gwegel », une tradition venue d'autrefois. Alors, le contraire, « divoise », hein, inhabituel, et le verbe « divoisant », déshabitué. Par exemple, on va donner un proverbe « Ne que bras divoisant or porl, agezoued ou arrepandes ». C'est pas facile de déshabituer un cochon qui a été sur le panais. Ça veut dire que les mauvaises habitudes, c'est pas facile de s'en séparer. Voilà. Alors, ce n'est pas une bonne habitude, ni que d'orvoisvat. Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, que c'est un mot qui est masculin, mais il a des fois tendance à devenir féminin. Là, c'est le cas, hein, orvoisvat, une bonne habitude. Bon. Par exemple, encore, pour dire une expression avec boise, nombre que boise, des zèbres et après tenons. On n'a pas l'habitude de manger de bonne heure le soir. Alors, il y a une autre façon de le dire qui est custum, hein. Custum habitué, accoutumé. Hein, donc, on trouve dans beaucoup d'expressions. Hein. Peut-être plus employé, non? Plus employé, oui. Enfin, autrefois, quand j'étais gamin, il y a très longtemps de ça, bien sûr, bois était pas mal utilisé. Hein. Mais effectivement, le mot custume est plus employé aujourd'hui, quoi. Custume, hein. Velkis a custume, hein, comme d'habitude, quoi. Alors là aussi, il y a des. Alors le mot custume, hein, qui vient de la coutume, hein, c'est un mot qui a pas mal de sens. Par exemple, autrefois, dans certaines commune, on parlait, Podorustum, c'était le garde champêtre. Mmh, d'accord. Et puis ailleurs dans les marchés, c'était celui qui était chargé de prélever le droit de place pour les étaux, les étals, pour les étalages, quoi. Hein. Donc, voilà. Alors, custumadur, hein, donc l'habitude. Or, custumadur, alors, au pluriel, custumadurium. Voilà. Alors, par exemple, si on dit bois joue à custum, là, on a les deux en même temps, c'est les us et coutumes. Voilà. Alors, il y a aussi, pour revenir à Boise, l'intention, un amboise, hein. Voir un amboise dans l'intention de faire quelque chose, quoi. Alors, aussi, une expression, pébianes aux boises de Zigatel. C'est-à-dire, chacun est habitué à sa compagne, quoi. Ça marche dans l'autre sens aussi, hein. Pébianes aux boises de Zigatel. Bon, ben, on va terminer là-dessus. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Présentec Tant Matant. Deuxième partie d'émission, Présentec Tant Matant. Oui, alors aujourd'hui, j'ai l'intention de faire entendre encore une petite chanson, parce que dans mes émissions, je parle souvent d'une chanson de Jean Desrien, qui est pas, où il y a pas mal de vocabulaire et qui est très bien, très pédagogique, et donc qui est Pesqueterien Oriaudet, les pêcheurs du Yodet, hein, à l'embouchure du Légué là-bas. Et cette chanson a été enregistrée par son auteur le 25 novembre 1961 à Melcaret. Il y avait eu une fête en mémoire d'Étienne Rivoilan, qui était décédé un peu avant. Et donc Jean Desrien était venu à Melcaret et il avait enregistré cette chanson. Alors on va l'écouter. Voilà. Mi agav beran amser, gantar vartolodet, Ved ovali esermes, o pesche tam brasilin, aga che verdar le udrese, in oso chaluvin, pesche terien arieudet, nasaron kit no quilin, pave juan da gaud pesquet, vera breteus arberen. Met un de rario masro, vorret mat partiam, a paka mazam rwejo, da guita dar bitman, med rogmon guites mabro, da partian duion, ne a la rokenavo, da rinier la nuion, a gopiniel var greve du zemes car stiret, rieurs el tresec durer, na tresec arieu deit, Met peguir el parados, la neus ne tradober, de zarper e bitegnos, mi ad avohir an amzer, da san per me alaro, di goret di anur, mi a regmon dorent andru, du on war bordar mur, ro e di ur gute, ca neus e ur rastel, mi a had avondar iaudet, da liba brigadel. Voilà, et l'enthousiasme de la foule à la fin. Voilà, c'était enregistré sur le vif. Alors, il y a une expression, là, il dit à un moment donné, de Paca de Mesom Grejou. Donc, ça, en fait, c'est un vieux mot qui désigne plutôt les sous-vêtements, Grejou. Hein, donc, c'est ce qu'on appelait les crés en breton. Et même en français à cette époque-là, qui sont des toiles fines, des toiles de coton ou des toiles de lin, quoi. Paca de Mesom Grejou, donc ça veut dire préparer mes affaires pour quitter cette terre, quoi. Voilà. Et ben voilà, un bon document sonore. On passe à la troisième partie d'émission, Petra Zonevier-Vrou. Troisième partie d'émission, Petra Zonevier-Vrou Eri. Kalz e draou Zonevier-Vrou evel juz boervej diouzon. Krogom de diantan evel kiz a custum, gant eo labourdouar hag ur vue war ar mez. Neus ket gwall belzo ba vilpain tost de bariz, ze oa ba mizheri, oa bet salonz un trevadou hag ur bouet, da la rade pezvel ar d'un gal hag ur sial. Hag aze oa bet spenkan ambregerez, deus bro breiz am, zo labourad war bep sortrao met liam gant ur bouet. Da skouer gant un evachou, gant un ispisiri, ur frouez e legumach, bouet ur mo, bouet lez, kouignou a bep sortrao el. Hag aze oa obern velmeuz lard, obern an embregerezio, hag bon zo disket pezoa moyen de gade breizam, hag zo ledantri. Wardash en économie is woman comes a vehicles en marrément de un airborgeo. Pes velard d'aéroport in galak. Plus dur, bon, de dire tant tout, ve comes de ze, ini, itron varia l'en eier, tost naunet. Aga notre ou ministien tant un brohal, un eslar ad un deel vaugret d'un airborgeo se custo pe gusto. Agouskoude, bon, pe vezel mazo, airborgeo, bah, cucho leur vro, hein, mais. Cuchol brohal, ag bon beb sormod ve kont gante, ini tremuzon ba zambri ke ne dramnak kalze hirini, genan, bon nan il a du nan nu ne zo in arvar, un peu dur ur CCI, ne zlard oa iskuiz stouf un toulo, un touleran, bon a ba anje zo nan ag ne dramnak kalze hirini, je, bon se tu matrezen vogred a matrezen dramnak ke kalze hirini, je ba, Ba i trant varia l'an eil, an gwell vo pez amod vo kon. War da chen ur politik eras, bon vreton de zo chom roas badowet, gant pez o bet war vezet ba fin ur mis du, vant de bet evel jus kart en ur rand vroioù, evel gant per departement vit breiz, evel oa begred gant marechal Pétain, ba bla o nan da do ugen. Hag bon chomera breiz na un grand père département hag ne vaut que rats tag de bonan de vreiz hag bon même strazo ne be député de ne zavet di nord breiz on stra puis on une vote de nep et vel marc le fur paul molac puis anal anil le rouerou mais de bon de zeri avec clé comme scals hein de zeri ne vote de les ya gartens et puis la rin mort Plus dur sur Warren que Juan de Bouffal Ganzé, mais de bon ré de vaut me sera ma treize disclériant tant pis une vote d'elle, à pis une vote de Dieu. Quoi le vaut, mais n'est que braque à Ozé, à plus dur Vela Randar, ré une trubarde de Brown que Juan de Bouffal Ganzé. Né vaisseaux au bé de Imbande de au lever, au bras lever, quand. Michel Soyer à Nicole Soyer, au Leverker à Pléjus, ag zobé d'imbanet gant imbanadur yo West France, ag bon moulet zobé tri mil de diantan, a zobé gwerz de prime à prime, ag bromen e berad voulet, a zez o or prof, prof ker evit nedeleg, hein, yon mag post nedeleg vraiment. Bon, hendel, en avènement des bavros strolat zonerien l'ostronios koulos, rinzo saturostren a calzedra ou vegret gante, vid la cadbu et bavro, hag blanman vo bamis voen vo resse ve gante, or strolat zonerien de ze bro réunion, de ze enezen réunion, hag bon zuroir vo calz obligea de roise. Au lever péant de combs de Zleveria ou à de Zévenadur, au lever zobédim bandet des vaisseaux, ou à rebu et Christian Troidec, pour de carrez, ou en avenement, hein, et vel stourmer. Ag, au lever zobégret quand Charlie Kral, zo gazetener, à zo en avenement, hein, et vel juste vidi stourm au yvé. Ag, im bandet des bé de, lever quand Cobbreis. Ag, bon, guerze ve bromen, hein, pem ze gero. Blanme, wabit de gret vid ur kantvet gwech, ur bassillon bal, baloudiak. Ze, bon, kant lasso wabit gret ur vich chantan, babla per fe varzek. Hag, blanme e bet diskwez et un dud pem gwech. Hag, jon, kaz de jonge ou ur aktres ou zo gant, gant strol a drase, da skwer lakad ze, war ur bladen, l'air vo gwell de un arvest. De hugen lasso, ou a bekrog, pu dur, ouais, comme ze deus, alis deus de a blaio, hein. De hugen lasso, ou a belance de labo, war, vidhad zevel chapel nenes, bakern gris moellou. De hulser chapel wa kwet, hag, bon, zo bekal ze labo, zo bekre de bwe, un dro de chapel, un dro de vanten, hag zira Dowigan lasso blanc voilà hag plus dur on comes de ce Dowigan là vi le festival plein vos mêmes mots blanc vos un Dowigan vet de diabla hag bon déjà avec comes de ce de spes vogret à ba festival plin, à gare jonjon de vocals au dud, blanc morvas. Ne vaisseau banane de wabé de ro de trohougener minik, gal a geze collier de l'hermine, à gebe plan verraille de nebetut, à neus labour de vibreis, à gevi de zévena d'urbreis. À ge blanc man, et ro de nebetut, Erwan Valérie, zo scrivanier, en avenement, hein. À Nicolas Félix Le Garec, un great film au Wardarchen Breis, à de diant en an zo en avenement, war Storm Plogo, vide énorme de Greisen Nucléel, vu le pape Jean zo en avenement, hein, vel, on tombe tard d'un trop Breis, pe, had grand idée que d'un trop Breis, hag en eus lans de ive un draugne de ur zen ba karnoet hag en eus bet kolior un herminik pe trohoug un herminik a Jacqueline Le Codé Le Gwen rao ar stal evri ou kop breiz ba Paris doug un lasso hag eus labour a kalz ive evit hel rio keltir gevel gant kendal. Bon, c'est tu aurais de se bête, trop hougue n'hermine et que blâme. Puis on comme de se lévriou, il y a puis on comme de se lévriou, bah, bacarès, au bête de stall, salon de lévriou, de ce que quoi le belzo, à gare avec quel, de pégun pinvidig et nimbon, lévriou, brace, en marément, puis dur de voir drôle trihon en banner, à gare avec red ganté, permis lévor, pédius. Petrodis Bepla. Agar ou a moyen de gâte de Kaz Lévriou a de Gomes gant scrivanéal. Massen peus gwelet ou a begret au Honcourt leader Rogoz gant Efertri. Bon hag zézo fent tu zoar pour bon tunes kinig de film ou ber gant gant vekan de Brogoz war bep son mot hag ur maud zo et gant kelik ur plario an ur la war nugen a neus gret evel just hein, ur bra Brogoz hag gant ur maud zo al o mont de veaj tro dro d'ur bet bon setu an tamp et zo nev e bavro hag lar an dar kenavo tien ur vegel Ur vegel eri